La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona. En début d'après-midi, deux ou trois réclamations sont déjà tombées dans la corbeille, dont une sérieuse emmerde côté literie. Lehmann me fait appeler. Je passe devant le rayon des jouets. Aucune trace de l'explosion. Le comptoir n'a pas été réparé, mais remplacé dans la nuit par le même, exactement. Impression étrange, comme s'il n'y avait pas eu d'explosion. Comme si j'avais été victime d'une hallucination collective. Comme si on cherchait à me découper un morceau de mémoire. Ces pensées démoralisantes pendant que l'escalier roulant plonge le rayon des jouets dans les profondeurs grouillantes du magasin. Le type qui râle chez les mannes a les épaules si larges qu'elles obstruent la porte vitrée. Un dos a provoqué des éclipses de soleil. Du coup, je ne vois pas la tête de Lehmann. Si j'en juge par le frémissement des muscles sous le blazer du client et par la veine qui palpite sous la peau rougie de son cou, il ne doit pas emmener large, Lehmann. Ce qui se tient debout en face de lui n'est pas précisément du genre colosse débonnaire. Un sanguin, qui n'élève pas la voix. Les pires. Il n'a pas fait un seul pas dans le bureau. Il a refermé la porte derrière lui et murmure ses griefs, doigts tendus vers Lehmann. Je frappe trois petits coups discrets. À peine, toc toc toc. Entrez ! Ouh, là, angoisse dans la voix de Lehmann. Le mastodonte ouvre lui-même la porte, sans se retourner. Je me faufile entre son bras et le chambranle avec la souplesse craintive du chien battu. 3 jours d'hosto et 15 d'arrêt de travail. Il va y laisser son calbut, votre contrôle technique. C'est la voix du client. Neutre, comme je m'y attendais, et rempli d'une dangereuse certitude. Il n'est pas venu se plaindre, ni discuter, ni même exiger. Il est venu imposer son droit par sa force. C'est tout. Suffit de lui jeter un coup d'œil pour comprendre qu'il n'a jamais eu d'autre mode d'emploi. Suffit de lui en jeter un second pour constater que ça n'a pas mené bien haut dans la hiérarchie sociale. Il doit avoir un cœur qui le gêne quelque part. Mais Lehmann ne sent pas ces choses-là. Habitué à filer des coups, il n'a peur que d'une chose, en prendre. Et sur ce terrain-là, l'autre est crédible. Je mets suffisamment de terreur dans mon regard pour que Lehmann trouve enfin le courage de m'affranchir. En deux mots comme en mille, Monsieur Machin, ici présent, plongeur sous-marin de son état, pourquoi ce détail ? Pour authentifier le muscle ? A commandé la semaine dernière un lit de 140 au rayon meuble plein bois. Le plein bois, c'est bien votre secteur, Malocène ? Oui, timide de mon bonnet. A donc demandé un lit de 140, noyer chantourné, ref TP885, à vos services, Monsieur Malocène. Lit dont les deux pieds de tête se sont brisés au premier usage. Pause. Coup d'œil au plongeur dont la mâchoire inférieure torture un atome de chewing-gum. Coup d'œil à Lehmann qui n'est pas mécontent de me refiler le paquet. La garantie ? Dis-je. La garantie jouera, mais votre responsabilité est engagée ailleurs, sinon je ne vous aurais pas fait venir. Gros plan sur mes godasses. Il y avait quelqu'un d'autre sur ce lit. Ce genre de plaisir, même au plus profond de sa trouille, Lehmann ne pourra jamais s'en passer. Une jeune personne, si vous voyez ce que je... Mais le reste s'évapore sous le regard chalumeau du mastard. Et c'est lui-même qui achève, laconique. Une clavicule et deux côtes. Ma fiancée. À l'hôpital. Ah ! C'est un vrai cri que j'ai poussé. Un cri de douleur qui les a fait sursauter tous les deux. Ah ! Comme si on m'avait frappé à l'estomac. Puis, compression de ma cage thoracique par la pointe de mon coude, juste au-dessous du sein. Et je deviens aussi blanc que les draps du plumard fatal. Cette fois, Hercule fait un pas en avant, esquissant même le geste de me rattraper au cas où je tomberais dans les vapes. « J'ai fait ça !» Voix blanche, début d'asphyxie. Chancelant, je m'appuie au bureau de Lehmann. « J'ai fait ça !» D'imaginer seulement cette montagne de barbac tombant du haut de son plongeoir sur les corps de Luna ou de Clara, et faisant sauter tous leurs osselets, suffit à me sortir des larmes certifiées conformes. Et c'est le visage ruisselant que je demande. « Comment s'appelait-elle ? » Le reste marche comme sur des roulettes. Sincèrement ému par mon émotion, Monsieur Muscle se dégonfle d'un seul coup. Impressionnant. On croirait presque voir la forme de son cœur. Lehmann en profite aussitôt pour me charger méchamment. Je lui présente ma démission en sanglotant. Il ricane que ce serait trop facile. Je supplie, arguant que le magasin ne peut vraiment rien attendre d'une nullité de mon espèce. La nullité, ça se paye, Malocène. Comme le reste. Plus que le reste. Et il se propose de me la faire payer si cher, ma nullité, que l'énorme client traverse soudain la pièce pour venir poser ses deux poings sur son bureau. Ça vous fait bicher de torturer ce type ? Ce type, c'est moi. Ça y est, me voilà sous la protection de Sa Majesté le Muscle. Lehmann souhaiterait son fauteuil plus profond. L'autre s'explique. Déjà, à l'école, ça lui foutait les boules de voir des caves s'attaquer à plus faible qu'eux. Alors écoute-moi bien, bonhomme. Bonhomme, c'est Lehmann. Couleur de cierge. De ces cierges qu'on brûle pour que ça passe. Ce qu'il a à écouter est simple. Primo, l'autre retire sa plainte. Deuxio, il viendra bientôt vérifier si je suis toujours en poste. Tertio, si je n'y suis plus, si Lehmann m'a fait jeter, je te casse comme ça. Ça, c'est la jolie règle d'ébène de Lehmann, souvenir colonial qui vient de péter net entre les doigts de mon sauveur. Lehmann ne revient tout à fait à lui que lorsque l'escalier roulant avale le dernier centimètre cube du mastard. C'est alors seulement qu'il se frappe la cuisse et entreprend de se marrer comme une baleine. Je ne partage pas son hilarité. Pas cette fois. J'ai suivi jusqu'au bout la retraite de l'autre musclé. « Te laisse pas bouffer le foie par ces fumiers, petit. Attaque !» Il m'a dit ça en se taillant. Et je me suis une fois de plus parlé comme à un autre. Il pensait s'attaquer au magasin, monsieur Muscle. À un empire. Ou tout au moins au contrôle technique, à une institution, puissamment abstraite. Et il s'était armé en conséquence. Bayard soi-même, prêt à agenouiller la garnison à lui tout seul. Et voilà qu'il tombe sur un petit mec sans âge, yourself, Malocène, qu'il croit tout près de la mort. Et il fond, le pauvre bougre, comme il a toujours fondu, par excès d'humanité. Quand il a tourné les talons, mon plongeur, j'ai regardé ses godasses et j'ai pensé « J'espère que tes palmes sont en meilleur état. » J'ouvre la porte à mon tour. « Ça suffit pour aujourd'hui, Lehmann. Je rentre chez moi. Théo me remplacera si nécessaire. » Le rire de Lehmann se coince dans sa gorge. « Cette lope n'est pas payée pour ça !» Personne ne devrait être payé pour ça. Il met tout le mépris possible dans son sourire avant de répondre. C'est bien mon avis. Tu le mériterais, ton bras mécanique, du con. Quand je redescends, le rayon des jouets est noir de monde. C'est la première fois qu'on vend davantage à 26 décembre qu'à 24. La remarque vient de ma petite rouquine à tête d'écureuil. Elle s'adresse à sa copine, plutôt genre belette, occupée à empaqueter un Boeing 747. La copine opine. Ses longs doigts glissent à une allure prodigieuse sur un papier bleu nuit étoilé de rose qui se transforme de lui-même en paquet. À côté de l'emballeuse, sur une tablette de démonstration, une réplique robotisée de King Kong montre ce qu'elle sait faire. C'est un gros singe noir, épais, velu, plus vrai que nature. Il marche sur place. Il porte dans ses bras une poupée demi-nue qui ressemble à Clara endormie. Il marche et pourtant n'avance pas. Il rejette de temps en temps la tête en arrière. Ses yeux rouges et sa gueule béante lancent des éclairs. Il y a une vraie menace entre le noir opaque du poil, le rouge sanglant du regard et le pauvre petit corps, si blanc dans ses terribles bras. Bon Dieu, c'est pourtant vrai que ce boulot commence à me peser. Et c'est vrai que cette poupée ressemble à ma Clara. Quand j'arrive chez moi, le gros singe noir me marche toujours dans la tête. Et quand le téléphone sonne, j'ai toutes les peines du monde à dire seulement « Allô ?»« Ben ?» C'est Luna. « Ben, je vais faire sauter le petit locataire. »« Ah non, je n'ai pas envie de remettre ça. » Pas ce soir. Je réponds d'une voix méchante. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que j'allume la mèche? Elle raccroche. La première chose que je vois en raccrochant à mon tour, c'est la gueule hilar de Julius le chien dans l'encadrement de la porte. Il n'a pas lâché sa balle de la journée. Je le regarde d'un air mauvais. Je dis non, pas ce soir. Il s'incorpore illico au tapis. Moi, je m'endors. Une heure après, à mon réveil, je décroche l'interphone. Clara? J'ai besoin de prendre l'air. Je vous rejoins après le dîner. D'accord, Ben. Ton Leica a fait des photos formidables. Je te montrerai. Julius est toujours aplati. Il me zieute avec un air de douloureuse interrogation. Cet autre maître lui pose problème. Heureusement, il le rencontre assez rarement. Je demande. On va se promener? Il saute sur ses pattes. Toujours d'accord pour sortir. Toujours content de rentrer, Julius. Un chien. Il n'y a pas que le magasin qui saute. Belleville aussi. Avec toutes ses façades manquantes, le long de ses trottoirs, le boulevard ressemble à une mâchoire édentée. Julius baguenaude, le pif au ras du sol, en battant frénétiquement de la queue. Il s'accroupit brusquement pour élever au beau milieu de l'allée centrale un somptueux monument à la gloire de l'odorat canin. Puis il fait une dizaine de mètres, son large cul bien dressé, assez fier de lui, lorsque, soudain, il s'immobilise, comme s'il avait oublié quelque chose d'important. Il gratte alors l'asphalte comme un furieux avec ses pattes arrière. Il n'est ni à la hauteur de sa crotte, ni dans la bonne direction. Mais il s'en fout. Il s'acquitte, Julius. Il fait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas un comptoir de grand magasin, lui. Il a de la mémoire. Même s'il ne sait plus ce qu'il y a dedans. 100 mètres plus loin, la voix lamentable d'un muezzin s'élève dans le crépuscule bellevillois. Je sais ce qui lui tient lieu de minaret. C'est une petite fenêtre carrée, une aération de chiottes ou une lucarne de palier, entre le 3e et le 4e étage d'une façade décrépite. Je me laisse un moment porter par les jérémiades de ce curé venu d'ailleurs. Il dégoise une sourate où il doit être question d'une rose trémière poussant sa tige sacrée dans les calcifs du prophète. Il y a là-dedans une douleur d'exil peu supportable. Pour la première fois, je revois le mort éparpillé du magasin. Puis je pense à Luna et me traite de salaud. Et de nouveau les tripes du garagiste de Courbevoie. J'ai juste le temps de m'adosser à un arbre pour ne pas me répandre une seconde fois. C'est en comptant les pas que je traverse le boulevard pour rentrer chez Koutoubia. Julius file directement trouver Hadouche à la cuisine. La voix du muezzin est recouverte par les conversations et les claquements des dominos. La fumée stagne et la plupart des types sont assis derrière des pastis. M'est avis que le frère musulman de la lucarne a du travail sur la planche pour rappeler son monde à la pureté de l'islam. Dès qu'il m'aperçoit, le vieil amar m'offre son plus large sourire. Je suis toujours surpris par la blancheur de ses cheveux. Il fait le tour de son comptoir et me prend dans ses bras. « Alors, mon fils, ça va ?»« Ça va. »« Et ta mère, ça va ?»« Ça va. » Elle se repose, à Chalon. « Et les enfants, ça va ?»« Ça va. » »« Tu ne les as pas amenés ?»« Ils font leur devoir. » Et ton travail à toi, ça va ? Ça boum. Il m'installe à une table, tend une nappe de papier en un tour de main, s'appuie en face de moi sur ses bras tendus et me sourit. Je demande « Et toi, Amar, ça va ? Ça va, je te remercie. Et les enfants, ça va ? Ça va, je te remercie. Et ta femme Yasmina, ça va ? Ça va, à la grâce de Dieu. Quand est-ce que tu lui en fais un autre ? Je rentre à Alger la semaine prochaine pour lui faire le dernier. » On rigole. Yasmina m'a plus d'une fois servi de mère quand j'étais môme, et que ma mère servait ailleurs. Amar s'occupe des autres clients. Hadouche dépose devant moi un couscous qu'il faudra que j'avale si je ne veux pas, dans la même soirée, offenser le prophète et ses fidèles. Constatant mon piètre appétit, Amar s'assit en face de moi. « Ça va pas, hein ?»« Non, ça va pas. »« Je t'emmène avec moi à Alger ?»« Why not ?» Pendant quelques secondes, je laisse l'idée déposer dans ma cervelle sa lumineuse traînée de plaisir. Amar insiste. Hein ? Hadouche s'occupera du chien et des enfants ? Mais la face plate de l'inspecteur stagiaire Karega me rappelle à l'ordre. Pas possible, Amar. Pourquoi ? À cause du boulot. Il me regarde, incrédule, mais il se dit qu'à chacun son chacal et se lève en me tapant sur l'épaule. Je t'apporte un thé. La voix d'Oum Kalsoum s'élève du scopitone. Sur l'écran défile la foule immense de son enterrement. Je laisse le chant s'évanouir et quitte le resto, Julius sur les talons. Le rire de Hadouche nous poursuit un instant. « La prochaine fois, je lui donne pas à bouffer, je le lave ton clébard !» Aux enfants, je raconte les débuts tâtonnants de l'enquête. Mes deux flics, Gibla Yen et Pat les pattes, fouillant sans pincette la vie privée des collaborateurs de Sinclair. L'équipe de fantômes remplaçant nuitamment le comptoir de jouets. L'héroïsme du magasin qui continue de vendre sous la menace comme si de rien n'était. Ce show must go on. Tout autour de nous, des cordes sont tendues où sèchent les photos de Clara. Combien cette passion vole-t-elle d'heures à la préparation de son bac de français ? Il y a là des photos de l'ogre Noël du petit. D'autres racontent la disparition de Belleville et le surgissement de ses aquariums lisses qui feront la belle ville de demain. Et puis une photo de maman, toute jeune, à l'époque de ma naissance, par là. Déjà dans l'œil cette soif d'ailleurs. Tu avais le négatif ? Non, j'en ai fait un tirage. On va l'encadrer, déclare Jérémy. Comme ça, elle pourra plus tailler. Thérèse sténographie absolument tout ce qui se dit, sans distinction, comme si cela entrait dans un même et gigantesque roman. Puis, tout à coup, son regard fixe de non-anorex rivé sur moi. « Ben ?»« Thérèse ?»« Le mort, le garagiste de Courbevoie. »« Oui ?»« J'ai fait son thème astral. Il devait mourir comme ça. » Clara me jette un rapide coup d'œil. Je vérifie que le petit s'est endormi et fusille Jérémy du regard pour qu'il remballe ses vannes habituelles. Cela fait, je mets sur mon beau visage autant d'intérêt que je le peux. « Vas-y, on t'écoute. » « Il est né le 21 janvier 1919, Ben. C'est dans son avis de décès. Ce jour-là, Mars était en conjonction avec Uranus à 325 degrés, eux-mêmes en opposition de Saturne à 146 degrés. Sans blague, tais-toi, Jérémy. Mars, l'action, conjoint à Uranus, planète des troubles violents, en opposition avec Saturne, indique un tempérament créatif et maléfique. T'es sûr ? Jérémy, tais-toi. » Mars et Uranus en huitième maison annoncent une mort violente. La mort proprement dite intervenant par le transit de Mars sur la Lune radicale. Ce qui était exactement le cas ce 24 décembre. Non ! Jérémy !